Rotte sonore. Suoni dai percorsi migranti. E bentornati qui su Radio Città del Capo, 14.30. Siete ancora su Rotte Sonore, anche questa domenica pomeriggio. Spero vi piaccia la nostra trasmissione, un po' ormai da ottobre che andiamo avanti ospitando un sacco di ragazzi che portano la loro musica e con la loro musica cerchiamo di capire anche qualcosa della loro cultura. Benvenuto, bienvenue. Omar? Sì, buonasera. Buonasera. Sì, allora parliamo in italiano? Sì, io parlo italiano un po', perché non facciamo italiano qui molto tempo. Ma quando sei arrivato? Io ho arrivato italiano alle 26 ottobre. 26 sì. Ottobre? Sì, ottobre, okay. Sì. Beh, allora, quando hai cominciato ad andare a scuola qua a Bologna? Scuola. Quanti ha cominciato alle scuole? Oui, j'ai commencé à l'école, ça fait 2 mois, puisque on commençait l'école à décembre, mais j'ai arrivé jusqu'au 24 et j'ai fait le vacanze pour la fête. Quindi hai cominciato a gennaio ad andare a scuola tu? Sì, sì, veramente? Sì. Sei molto bravo. Sì, perché... E tu fai anche teatro, vero? Sì, sì, sì, sì. Dicilo, je l'aime trop de langue italienne, ma come on n'est pas fait école en Afrique, même français on parle seulement, ma on n'est pas fait l'école là-bas. Sei bravissimo, lui sì. Non ha neanche mai andato a scuola nel suo paese. Sì, sì, io non ho andato a scuola, ma parlo italiano molto, molto bene, ma adesso andiamo piano, piano. No, mi hanno detto i tuoi insegnanti che sei bravissimo, perché anche se, cioè, forse il primo caso di persona che non è stata scolarizzata e che è così brava ad imparare una lingua straniera così come te. Sì, sì. Ma forse perché fai anche, tu fai le teatre, no? Avec sì, cantieri sì, metici. Sì, sì, fai teatro, yeah. Fai teatro, perché... lo teatro che on fait a mercredi, no? Chaque mercredi. Je fais théâtre. Sì, sì, sì. Ok, le telefono? Sì, la musica. La musica? Sì, perché Omar ha in musica con te sul tuo telefono. Va bene, va bene. Adesso ascoltiamo la musica di Metal Games, perché lui dice non facciamo una persona mal, perché non sono dove andato, perché... aspetta, ascoltiamo adesso. Adesso ascoltiamo, sì, poi ce lo spieghi meglio. Ora ascoltiamo musica di Metal Games. Dai. Ciao! Monsieur Juna, je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prof, tu ne connais pas l'avenir. Il se peut que tes propres gosses écoutent ma zik et que le 458 soit dans le parking. Monsieur Juna, les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, je ne possède que des tubes. Il se peut que vous m'ayez flashé dans la ville. Vous qui vouliez une photo pour votre fille. Donc vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Cause toujours en son tabou. C'est la musique. Allez dire ça à ceux qui sont bien sur la piste. Le DJ s'apprête à jouer le plus gros hit. Le Doliprane viendra te tenir compagnie. Monsieur Juna, cette année tu dois voter, ouais. Me demandez pas de vous aider à nous voler, ouais. Les impôts ne servent qu'à payer vos bonnes. j'assume tout, oui, même mes erreurs bloquées dans mes songes. Donc je me passerai trop le son, j'ai toute ma raison, laissez parler le son, gardez vos questions, je me passerai trop le son, j'ai toute ma raison, laissez parler le son, gardez vos questions. Queste rotte sonore, siamo qua in studio, voi ci state registrando, ci state ascoltando la domenica pomeriggio. Questa è una canzone in lingua francese che parlava di, diceva più o meno, per quel poco che posso capire, di lasciar passare le frontiere, immagino. Sì. No, se... E non solo. Allora, laisser passer, a toi, qu'est-ce que te fait penser ça? Hm? Laisser passer, si laisser passer... Pourquoi tu penses? Pourquoi je pense à, il y en a mon ami qui reste aux routes pour que quelqu'un l'arrête, c'est pas destination, c'est lui, il vient, il arrête, il dit moi je pense à la musique là, si on écoute la musique là, il dit qu'il laisse passer puisque c'est pas destination, c'est toi, lui il quitte, c'est lui. J'écoute la musique là pour juste ça. Si, c'est proprio vero che ogni canzone non ha, cioè noi ascoltiamo le canzoni anche magari solo in base a un titolo, anche se le parole dicono qualcos'altro, le altre parole del testo. Quello che ha colpito Omar è proprio il titolo, no? Il ritorno alla canzone Lasciate passare, perché il suo migliore amico ancora è in Libia, è in prigione, e quindi lui vorrebbe che lo liberassero, quindi lasciate passare, questa frase gli richiama questo, anche se Maître James parla di altro. Adesso arrivo alla deuxième musica. La deuxième musica, il titolo s'appelle Comme tu es arrivé un pays qui est ton pays rêve. Ton pays rêve, tu es arrivé un pays rêve, comme nous on est arrivé en Italie. On a beau rentrer ici en Italie. Mm-hmm. Aller là, ok, toutes les choses sont censées commencer. Une chose qu'on n'a pas l'habitude, c'est nous, par exemple, comme école, c'est ici que commencer l'école. Toutes les choses, aller là, l'italien qui fait pour nous aussi, la plupart, c'est ici on commence de voir ça là. Puisque je vous dis, comme si écoutant la musique pour juste ça, sì. Questa canzone parla del paese dei sogni, no? Quindi del primo ingresso nel paese dove si voleva arrivare, e in questo caso Omar è felice perché per la prima volta è andato a scuola. E però adesso ascoltiamo. Sei qua? Sierra Nama, on va bailler. Adolena, wuto yenyenema Igundi yata yusima Abangi fanyeti, gali nunsa dangi Gali yeni kala kipera na yusima Mwanyye, mwanyo, besa Dama, yedo dama daina tama, nena yo baba yo, mokala yo wota mofala, lagi ne kamere no yei, wilele, wanye, wanwile, isa, wanye, wanyo, yana, yako sikime, kama nifariye, mekene trebe tansa putiki na gida ma, mwane tisume, pega figade, pininga nama, ufakariye, Donc les titres de la chanson c'est le titre de la chanson, j'ai très content. C'est quand je tu okay. content tu parles. C'est un sousou. Si, en Soso. C'est la langue du village de Guinée. Langue de Guinée, notre langue de Guinée, Soso. Il s'appelle Soso. Ok. Si, donc, si. En Soso, le titre, c'est le titre, il est très content. C'est content. Non, mais en Soso. En Soso. En Soso. Uh-huh. En Soso, le titre, il s'appelle Balizar. Balizar. Si. Ok. Yeah. Sono molto contento. Molto contento, sì, sì, sì. Adesso. È una canzone nella lingua tradizionale della zona della Guinea da dove viene Omar. Ho capito bene? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Ok. Va bene. Adesso dice grazie a tutto italiano, Mattei, come dice Isacco. Isacco e come dice Alessandra, tutti e Cosenza, Baba, come dice tu? Babe e tutti italiano, je vous dis merci à vous tous, nous tous, on nous dit merci avec vous, merci à tous les Unions européennes qui nous laissent rentrer ici, puisque vous avez vu comment on a passé. Maintenant, allez là, nous on est arrivé ici. Tout est ok, je vous dis merci à vous. Aujourd'hui, on est venu juste pour parler un peu avec vous. Parce que, mais la langue ne me permet pas de parler beaucoup, puisque on n'est pas fait école. Je parle justement un peu pour les gens qui entendent mon nom. Je vous montre le djinti, comme dit, juste un peu seulement.

rêve de hé, grave sur le trait hé. Tous les jours on charbon, on pied hé. J'suis en Ligue des Champions contre le Chelsea. J'prends des millions, j'prends des selfies. La suite, la plus aimée de ma selfie. J'suis en Dieu, mais j'ai la belle vie. C'est que sans air, mais c'est le sol air, on a pressé. Adieu mon pays. Adieu mon pays. Pas quel CD, pas quel CD. Adieu mon pays. Pas quel CD, pas quel CD. Adieu mon père. Même loin, j'crais toujours à les parer. Cousin, j'y trouverai jamais à libérer. Adieu Gorée et le mépris. À les détester, je me détruis. À coup de fusil, je reconstruis. J'veux me forger, décrocher le premier prix. Les retours zombies de boîte de nuit. Perdu dans le cul d'une gamine et fier de la sonnie. J'suis diamant en verre, Swarovski. Mon amour pour cette terre n'est pas plus grand que Sarkozy. J'suis pas libre, je suis l'élite des sales négros. Mets-toi dans le cul, ton vélib, hasta luego. Adieu mon pays. Adieu mon pays. Pas quel CD, pas quel CD. Adieu mon pays. Pas quel CD, pas quel CD. Adieu mon pays. Manca uno. Sì. Questa era sempre Rotte Sonore, non preoccupatevi, questa volta è una canzone che veniva dal Mali, ma non la conoscevo perché non è musica tradizionale. Qualcosa di tradizionale del Mali conosco, ma puoi tornare a dire chi era? Lo Santer Isapel Buba. Ok. Lo Santer francese, il vien de Mali. Un cantante francese ma che viene dal Mali. Sì, sì, sì. Ok. Adesso ascoltiamo la volta musica, lui si chiama Pano Tecno. Sì. Falla che give me love. Now you the catch my shot. For your sake I go go touch. We go drive around for my Porsche. Baby pana, they say he like you all. I get you all. Baby pana, anywhere that you go I could follow you the go. Baby pana, they say he like cassava. I get you big cassava. Hey, baby pana, my love for you, you never die. You never die. If I ever, oh baby, if I ever. Baby, you too sweet, if I ever. My baby dance to the lagwaja. Make a take you to Pabalada. If I ever, oh baby, if I ever. Baby, you too sweet, if I ever. My baby dance to the lagwaja. Make a take you to Pabalada. So love is a beautiful thing. Can you dey cool my temper? Love is a wonderful, tender feeling. You dey give me ginger. So baby, dance it, dance it, dance. The beauty in your eyes, they give me life. Oh, oh. I could give the love the thanks. Oh. For the sake, for the sake of love. Oh, hey, baby, leave it about the bad. And I'm a demon, I'm a day, Baba. For your sake, I could kill you. Show you love that you never seen before. For like you give me love. Oh. Now you're the playboy. Now you the catch my shot. Oh. For your sake, I go go touch you. Hey. We go drive around for my Porsche. Baby pana, they say he like you all. I got to wala. Baby, bana. Anywhere that you go, I can follow you to go. Baby, bana. I say you like cassava, I got to be cassava. Baby, bana. My love for you, we never die. We never die. If I ever, oh baby, if I ever. Baby, you too sweet, if I ever. My baby, dance to do the lagwaja. Make a take to do babalada. If I ever, oh baby, if I ever. Baby, you too sweet, if I ever. My baby, dance to do the lagwaja. Make a take to do babalada. I want your time, want your time. You see, you are taking my love, oh. I cannot understand how I'm feeling. You are my woman crush, oh. Want your man, want your man. You see, in a my cabin, oh. Let you go. I will always be your lover. For your sake, I go give you show. Yeah. Show you love that you never seen before. For like you give me love, oh. Now you the catch in my shot. For your sake, I go go touch you. Yeah. We go drive around before my Porsche. Baby, pana. They say you like you are. Baby, pana. Anywhere that you go, I'll follow you to go. Baby, pana. I say you like cassava, I get to be cassava. Baby, pana. I'm from Mubu, Allah, Haji, Tekino. It's Crispy, the drama guy. You just had you. Say, had you. Beh, e con questa siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rotte Sonore. Grazie mille Omar di essere venuto qua con noi. Merci beaucoup. Grazie, Omar. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Pour la musique, pour la musique, pour la tutto. Je vous dis merci à vous tous, merci à Cosenza, merci à Baba, merci à tous les autres qui nous écoutent ici aujourd'hui. Alors Mathieu, tutti, Isacco, Alessandra, tutti le toute personne, tout italien quand même, je vous dis merci à vous, je suis très très très content pour vous. Vraiment, merci, merci, merci pour vous qui Dieu nous aide, nous tous. C'est que je vous dis merci, je vous souhaite bonne nuit aujourd'hui, bonne note à tout italien. Si, ci vediamo alla prossima. Si, grazie. Dopo. Ciao, grazie. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Grazie, grazie, ci vediamo. Si. E buon ascolto a tutti su Radio Città del Capo.